Bonjour, nous sommes le 18 octobre 2000 et nous procédons à l'enregistrement numéro 8 du cours sur Perceval, codé en ce moment LMD 150 à l'Université de Provence. Je m'appelle May Plouzeau et suis professeure dans cette université. La prise de son est assurée par Monsieur Joël Bertin. Vous pouvez constater qu'à l'Université de Provence, nous avons changé d'année scolaire. L'enregistrement numéro 7 a été réalisé en janvier 2000 et je profite de l'énergie de la rentrée pour compléter une phase de cassette qui était restée sans voix. Ainsi, aurez-vous le meilleur rapport qualité-prix. Je vais vous parler du mot drap, drap, lequel est proposé comme question de lexique dans le devoir appelé dans le cours devoir numéro 1. Il se trouve que ce devoir a été traité par vos camarades lors de l'année scolaire écoulée. J'ai corrigé comme il se doit les devoirs qui m'avaient été rendus et je vais profiter de cette expérience pour mettre en évidence certains éléments. La question de lexique du devoir numéro 1, que vous pouvez lire à la fin de la section avant toute chose du cours, est la suivante. Lexique. Dras, vers 1930. Définir du mot drap, le sens dans le passage, l'essence dans Perceval, elle, l'essence en français moderne. Comment peut-on caractériser l'évolution sémantique du mot de l'ancien français tel qu'on le saisit à travers Perceval, elle, au français moderne? Ne pas omettre d'utiliser les documents fournis dans la section mots en contexte. C'est pour vous aider que l'on mentionnait d'abord le sens dans le passage. Dans l'exposé qui vient, je ne suivrai pas précisément l'ordre des questions. Pour faire ce travail, vous vous reportez donc à la partie drap de la section mots en contexte et pour réfléchir seul, vous arrêtez l'enregistrement en vous concentrant tout d'abord sur les lignes qui précèdent le relevé. Vous constatez en premier lieu que les pages sont intitulées Drap dans Perceval. Si vous avez bien écouté l'enregistrement numéro 3, en vous conformant aux indications qui y sont données, vous comprenez que le texte intitulé Perceval doit coïncider avec celui de votre édition de Perceval par Monsieur Lecoy, à d'infimes différences près, éventuellement. En second lieu, vous voyez que le Nota Bene 1 précise que dans le texte, le radical du mot drap se réalise exclusivement dans le nom drap dans Perceval, qui n'en présente aucun dérivé. À la faveur de ce Nota Bene, je souligne que dans les présents enregistrements, je me suis simplifié la tâche en travaillant jusqu'ici sur des mots et non sur des familles de mots. Ainsi, nous avons étudié le verbe avaler, mais non pas le mot aval. Il faut toutefois savoir qu'il n'est pas interdit dans le commentaire de s'intéresser à des mots de la même famille que le mot étudié, à condition que ces développements ne soient pas démesurés, qu'ils aient l'air de se rattacher de façon nécessaire aux mots étudiés, et surtout qu'il ne soit pas de la récitation hâtive de tel dictionnaire historique ou de tel recueil de corrigés. Vous verrez que je ferai allusion à quelques mots du même radical que drap à la fin de mon commentaire. Venons-en maintenant à l'examen du relevé. Il va s'agir pour nous de définir le sens du mot drap en chacune de ses occurrences. Pour comprendre le sens du mot, nous devons naturellement, ceci n'est pas nouveau, bien saisir dans quel épisode de la narration nous nous trouvons. Les titres courants de Monsieur Lecoy rendent de grands services. Et pour présenter les définitions, nous devons veiller à ne pas écrire n'importe quoi. En particulier, nous devons examiner si drap est singulier ou pluriel, en nous rappelant que le mot se décline. Il se trouve que l'entourage grammatical du mot drap est chaque fois tel qu'il nous permet de savoir si le mot est au singulier ou au pluriel dans le texte. Il se trouve aussi que le nombre du mot, à savoir singulier ou pluriel, est lié à sa signification. Et ceci est très important. En effet, et vous l'avez remarqué tout seul, sans omettre de vous aider du glossaire de l'édition de Monsieur Lecoy, globalement, au singulier, le mot signifie étoffe, tandis qu'au pluriel, les draps signifient tantôt les vêtements et tantôt les draps de lit. Il y a quelques passages où on peut hésiter sur la définition à apporter parce que le contexte est ambigu. Nous n'escamoterons pas ces passages. Examinons d'abord les occurrences au singulier. Nous avons vers 1154 une cotte mout à hésier de drap de souée. La cotte, COTE, désigne une sorte de tunique. Donc, dans ce contexte, drap, complément du nom cotte, désigne la matière dans laquelle elle est faite. Vers 1199, cotte d'une drap de souée, même analyse. Vers 2800, sa cotte fut d'une riche drap de souée, même analyse. Vers 8552, maint boint drap vermeil et sanguine, itint en et maint escarlate, traduction, on y teint maint étoffe de bonne qualité, rouge vif et de couleur sang, et maint escarlate. Comme le mot drap au pluriel signifie le plus souvent vêtement, je vais le montrer, nous avons des cas ambigus. Dans certaines occurrences du mot au pluriel, on peut se demander s'il signifie étoffe au pluriel ou vêtement au pluriel. C'est ce qui se produit en deux endroits. Tout d'abord, au vers 8904, que je cite dans son contexte. Et en lourotte robes taillées, qui bien furent appareillées quand ils furent del bain issus. Les draps de souée sont tissus et les pannes furent d'hermine. En fait, comme on décrit les robes du vers 8901, nous comprenons que ces robes sont faites avec d'une part des draps de souée et d'autre part qu'elles ont des doublure de fourrure, les pannes du vers 8905, en hermine. L'article li devant drap et les devant panne s'explique si on analyse les mots drap et panne comme désignant des parties constituantes des robes. Donc ici, drap signifierait encore étoffe. Le deuxième passage ambigu est au vers 5704. Les une font drasse et s'il les tisse. Dans le texte tel qu'il nous est transmis, nous sommes en effet tentés de comprendre les uns façonnent des vêtements et les autres les tissent. Parce que si nous comprenions les uns font des étoffes et les autres les tissent, le texte paraîtrait bien peu logique. Mais si nous lisons l'ensemble des vers 5704-5705, nous voyons que li une font dras et s'il les tissent, s'il les peignent et s'il les tondent. Peigne est une forme du verbe qui signifie peigner. Donc, nous avons des opérations qui se rapportent à la fabrication d'étoffes et le verbe font dans ce contexte nous paraît alors isolé et curieux. En fait, l'édition de Perceval par Keith Passby nous montre que la plupart des manuscrits ont un texte du type Til fulent dras et til les tissent, c'est-à-dire, traduction, les uns foulent des dras, je traduirai après, et dans ce contexte, le mot dras désigne bien une sorte d'étoffe qui subit une opération de foulage bien connue. Voyez la page 305 de la Revue de linguistique romane de 1993. Je reviendrai sur la question de savoir si le mot drap désigne une sorte d'étoffe particulière. En attendant, soulignons que l'examen attentif d'un mot en son contexte nous a mené ici à discuter l'établissement du texte. Le verbe font, F-O-N-T de Guillot, n'est pas très satisfaisant et ne doit pas remonter à l'original. Nous avons adopté la même démarche à propos d'une occurrence étonnante du mot escuyer du vers 1926. Rappelez-vous l'enregistrement numéro 6. Venons-en aux autres occurrences de dras, pluriel, signifiant vêtements, maintenant sans doute possible. Ce qui le montre, outre naturellement le contexte général de la narration, ce sont des éléments proprement linguistiques qui sont récurrents. Soit le mot dras est précédé d'un possessif, mes dras, ce sont mes vêtements, soit le mot dras est complément de verbes comme faire, vestir, c'est-à-dire revêtir, ou changer, c'est-à-dire changer. Il n'est pas une seule des occurrences, et elles sont nombreuses, qui ne s'accompagne d'un de ces éléments. Il y a plus. Dans deux épisodes, vers 1148 et suivant, et vers 1593 et suivant, on veut faire changer de dras à Perceval. Le texte détaille en quoi consiste l'échange et nous voyons bien que le mot dras au pluriel désigne un ensemble de vêtements. Ainsi, dans le premier épisode, les dras que Perceval refuse de quitter sont vers 1163, ma grosse chemise de chambre, vers 1166, ma coutelle où aigle ne passe. L'aigle, c'est l'eau. Et dans le second, les dras qu'on lui présente sont détaillés, chemise et braies, chausses et cottes. Voyez au vers 1597 et suivant. Reste à examiner des occurrences de dras, pluriel, où le mot signifie drap de lit. Je vais commencer par le vers 4124 où, en effet, le sens peut être discuté. Le roman décrit l'activité consistant à mettre dans des malles ou dans des valises, vers 4124, en malir, des objets dont l'on va trousser sommiers, c'est-à-dire charger des bêtes de somme. Nous lisons vers 4124. Qui lors veut ist dras en malir. Traduction. Celui qui aurait vu en malir des quoi. Mot au pluriel, non accompagné de possessif. Nous pourrions comprendre étoffe ou vêtement, ce qui n'aurait rien d'absurde dans la situation. Mais la suite lève l'ambiguïté, car nous lisons « Kilor veut ist dras en malé et couvertours et oreiller. » Les seuls objets signalés comme « en malé » sont « dras »,« couvertours » et « oreillets ».« Dras » du vers 4124 réfère donc presque à coup sûr à des draps de lit. Comparons en effet au vers 1930, Piaus tras et couvertur mutier et oreiller au tief li met, s'il qui del coutier centre met. Ce qui nous conduit naturellement à comprendre comme signifiant drap de lit et non pas seulement étoffe, l'occurrence du vers 3341 que voici. Et quand lui plot, celle deschaussierend et dévestirend et coutierend en blanc dras déliets de lin. Synthétisons. Synthétisons le sémantisme du mot drap dans le texte. Le sème commun à toutes nos occurrences est étoffe. Au singulier, le mot a ce sens. Mais au pluriel, d'autres sèmes s'ajoutent. Soit pièce d'étoffe assemblée pour vêtir quelqu'un, soit pièce d'étoffe qui, dans un lit, isole du matelas et de la couverture. Au singulier, le mot désigne une matière, au pluriel, des objets faits en cette matière. Nous avons des phénomènes comparables de particularisation dans le mot « faire » au singulier, et par exemple, « jeter dans les fers » au pluriel, ou encore dans « caoutchouc » au singulier, et au pluriel, « des caoutchoucs », c'est-à-dire des chaussures de caoutchouc, accessoire bien connu des lecteurs de Marcel Proust. Nous allons maintenant examiner comment le sémantisme du mot « drap » a évolué jusqu'à notre époque. Je précise tout d'abord que les sens attestés dans notre Perceval reflètent parfaitement les sens attestés à l'époque de Chrétien III. Il suffit d'un coup d'œil à l'article drap du Tobler-Lomatsch pour le constater. En français moderne non régional, le mot drap a deux sens principaux. Soit le drap désigne un drap de lit, soit le drap désigne un, je cite, tissu de laine dont les fibres sont feutrées par le foulage. Fin de citation. Emprunté au Petit Robert de 1993. Que s'est-il passé? Le mot a vu ses sens restreints. Pourquoi? Il n'est pas simple d'expliquer pourquoi, au plan sémantique, un mot a évolué de telle ou telle manière. Parce qu'un mot n'est pas seul dans la langue, c'est tout un système qui est solidaire. Et si l'un des éléments bouge, d'autres par contre-coup vont bouger également. Ainsi, au jeu de dames, si vous déplacez un pion ou une pièce au jeu d'échecs, la configuration est entièrement nouvelle et votre adversaire bougera ses propres éléments en fonction des mouvements que vous aurez effectués. Revenons à notre mot « drap ». La première hypothèse que nous pouvons formuler quant aux restrictions de sens qu'il a subies en passant de l'ancien français au français moderne est la suivante. C'est que le mot aurait eu trop de sens en ancien français. Il aurait en quelque sorte souffert de polysémie dont on l'aurait soigné en élaguant. Le tout se faisant de façon naturelle, progressive et inconsciente, il va sans dire. Vous aurez noté qu'on pouvait hésiter entre comprendre des étoffes ou des vêtements, voire entre des étoffes, des vêtements et des draps de lit. Je crois même que notre copiste Guillot s'est fait piéger par la polysémie du mot. Au vers 5704, quand il commence « li une fondras », qui ne donne pas un texte satisfaisant, il est parti sur l'idée que le mot « dras » de son modèle signifiait « vêtement ». Et il a changé « foulent dras », c'est-à-dire foule les étoffes, appelons drap, en fond trace, c'est-à-dire fond des vêtements. Qu'un mot ait des sens multiples est certes courant, mais si la polysémie génère des ambiguïtés, alors en effet, au cours du temps, le nombre de ces sens peut être réduit. Toutefois, le processus de restriction des sens n'est pas simple et nous devons nous demander pourquoi et comment certains sens vont être sacrifiés au bénéfice d'autres. Dans notre corpus, et même en faisant la part des passages ambigus, ce qui est de loin le mieux attesté, une douzaine de fois, c'est le pluriel dras au sens de vêtement. Nous avons moitié moins de drap au sens d'étoffe et seulement trois fois dras au sens de drap de lit. Les proportions des différents sens attestés ne laissent donc nullement présager que de nos trois sens, celui de vêtement va disparaître, celui d'étoffe va devenir rare et celui de drap de lit va se réaliser dans des emplois très nombreux. Certes, dans un premier temps, nous pourrions et devrions relativiser les données mêmes de notre Perceval en faisant remarquer, premièrement, qu'il est normal que dans l'histoire, on soit moins souvent amené à parler de draps de lit que d'étoffes ou de vêtements, et que deuxièmement, il est deux épisodes qui fournissent à eux seuls un fort contingent de draps au sens de vêtements, les épisodes liés à des changements d'habits par Perceval. Mais même en dehors de cela, draps au sens de vêtements est très présent dans notre texte. Pourquoi donc ce sens a-t-il disparu? Je proposerai quelques hypothèses. Nous avons noté que dans le texte, dras au sens de vêtement s'emploie entre autres avec le verbe vestir. L'existence de ce verbe vestir a pu favoriser la stabilisation de vestement qui donne vêtement. Par ailleurs, le mot habite, aujourd'hui H-A-B-I-T, s'est montré aussi un concurrent sérieux. L'autre hypothèse que je proposerai est la suivante. À partir du moment où drap s'installe bien au sens de drap de lit, des syntagmes comme vestir ses draps pouvaient prêter à sourire, évoquant d'amusants fantômes, et donc l'émergence de draps drap de lit aurait contribué à l'éviction de draps vêtements. Quand apparaît donc draps drap de lit? Au pluriel, le mot est parfaitement installé dès le XIIe siècle, comme le montre notre texte, ainsi que un certain nombre d'autres cités dans l'article drap du Tobler-Lomage. Même si dans la deuxième source que je cite, le mot ne, même si, pardon, dans les deux sources que je cite, le mot ne se trouve jamais à la rime. Et donc, même si, en bonne méthode, on pourrait croire qu'il est une invention que des copistes ont substituée à des leçons précédentes. En fait, le nombre des attestations et des témoins est tel que nous devons penser que drasse au sens de drap de lit est employé par les auteurs dès le XIIe siècle et qui n'est pas une invention de copistes du XIIIe. J'ouvre à propos des dates d'attestation de dras, drap de lit, une petite parenthèse sur nos instruments de travail. L'article drap du Trésor de la langue française, tome 7, paru en 1979, donne comme première attestation Chrétien de Troyes dans Le Chevalier à la charrette. En fait, on rencontre dras en ce sens dans un roman de Chrétien écrit avant celui-là, à savoir Érec et Énide, au vers 693 de l'édition Rock. Lili furent appareillés de blancs draps et de coutes molles. Quant à Perceval, je vous rappelle que c'est le dernier roman de Chrétien. Une question importante concernant l'histoire de drap au sens de drap de lit est de savoir quand le mot est-il employé en ce sens au singulier, c'est-à-dire quand devient-il parfaitement autonome. Je n'en sais rien, car je n'ai pas fait assez de recherches. L'article drap du Trésor de la langue française est muet sur la question. De même que l'article Drapus du FEV, le Französische Etymologische Wörterbuch de Wartburg. J'insiste, dans notre texte, c'est Dras au pluriel qui est conçu comme un tout, qui signifie les draps de lit. Et il en va de même dans toutes les attestations citées dans l'article Drap du Tobler-Lomage. Notons que pour signifier draps de lit, l'ancien français connaissait aussi le mot Linzel. L-I-N-C-C-D-U-E-L dans le Tobler-Lomage, qui signifiait aussi pièce de toile. Dans la concurrence apparente entre linceul et drap pour signifier drap de lit, mais y a-t-il vraiment concurrence à l'intérieur des œuvres d'un auteur donné? Voilà ce qu'il faudrait creuser. Remarquons ainsi que le Perceval édition Le Coin ne connaît pas le mot linceul. Dans cette concurrence apparente, donc drap au sens de drap de lit a évincé linceul, qui lui s'est spécialisé au sens de pièce de toile dans laquelle on ensevelit un mort. J'ai cité la définition du Petit Robert de 1993. Vous voyez comme tous ces mots sont solidaires les uns des autres. Venons-en à drap au sens d'étoffe. Pris en ce sens, dans notre corpus, le mot est presque toujours déterminé par le complément de souhait, les deux seules exceptions étant en 8522 et 5704. Les vers 5704-5705 réfèrent clairement à la fabrication du tissu de laine de la définition du Petit Robert de 1993 cité plus haut. C'est en effet en français moderne ce seul sens, technique et parfaitement vivant dans les métiers liés au travail des tissus, qui s'est conservé. Je crois qu'en ancien français, drap signifie soit toujours laine, dont les fibres sont pressées par foulage, pardon, je crois qu'en ancien français au sens de tissu, drap signifie soit tissu de laine dont les fibres sont pressées par foulage, soit tissu ou étoffe de toutes sortes, et que le mot, la mention de souhait, est lié au contexte raffiné du roman et n'est pas du tout inhérente au sémantisme de drap. Ce qui se produit, c'est que même pris au sens d'étoffe, le mot dans le texte et en ancien français est, pourrait-on dire, affligé de polysémie, puisqu'il a deux sens, étoffe en général et étoffe particulière de laine. La langue n'a conservé que le sens particulier. Voilà donc un mot qui, au cours de l'histoire, a perdu quelques-uns de ses sens, pourtant très fréquents au XIIe siècle. On remarquera que ces sens subsistent dans certains dérivés. Par exemple, un drapier, une draperie, une drapelle. En ancien français, le drapel, c'est un petit morceau d'étoffe et souvent, par spécification, un linge de bébé. Le mot est devenu drapeau, toujours un morceau d'étoffe pas très étendu, mais l'objet qu'il désigne ne se met pas au même endroit que le drapel de l'ancien français. Et pourtant, un auteur du XXe siècle a utilisé le mot drapeau dans son sens ancien. Voici deux extraits de ses écrits, je cite. Il y a, comme tout le long de la rue, de loin en loin, une flèche d'artimon et du linge qui sèche. On dirait que là, ce sont des maillots, drapeaux, langes et linges d'enfants. Fin de la première citation. Et deuxième citation. La maison à la fenêtre de laquelle s'érige une flèche d'artimon où sèchent des maillots, des drapeaux et des langes. Fin de la deuxième citation. Nous terminerons cette série d'enregistrements sur une devinette. Quel est le grand écrivain qui a écrit les lignes qui précèdent? Vous trouverez naturellement la réponse dans le cours et je vous remercie de votre attention.